Damn. Tu es notre père. Notre père. Notre père qui est aux cieux. Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Nous te bénissons. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Alléluia. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta grâce, pour ton amour, pour ta protection, ta provision. Merci Seigneur pour cette grâce qui est toujours disponible pour nous chaque matin. Elle est disponible ce matin, c'est pourquoi nous sommes ici. Et nous te disons merci pour cette grâce, cette grande grâce, Seigneur. Merci. Nous prions ce matin que ta parole nous bénisse. Ta présence soit ici. Ton esprit soit ici pour nous bénir, nous aider à recevoir ta parole au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que cette parole nous bénisse. Que cette grâce soit abondante. Seigneur, merci. Que nous recevons une révélation. Que nos yeux soient ouverts. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce soir? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis d'être ici ce matin? Yeah, je suis content et je vais dire bonne fête des pères à tous les pères qui sont là. Alléluia. Et au futur père. Yeah. Tu peux ne pas être un père biologique aujourd'hui. Alléluia. Mais tu peux être un père spirituel pour quelqu'un. Alléluia. Yeah. Avant de commencer, je veux donner ces annonces. Alléluia. Nous avons notre conférence « Donne-toi tout entier ». Alléluia. Qui commence dans quelques semaines, du 2 août au 5 août. Alléluia. À Kodesh. Et l'enregistrement continue jusqu'à la fin de ce mois qui est à Sortance Ghana. Alléluia. Et aussi, on veut donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas pu acheter le Makarios. Le Makarios, c'est 40 livres qu'on a mis ensemble, 40 livres, alléluia, qui a 150 Ghana, alléluia. Donc, durant cette conférence, lorsque tu t'enregistres à 200, hein, pour ceux qui veulent acheter le Makarios, l'enregistrement c'est 50 Ghana, et puis les 150 Ghana, c'est pour le Makarios, alléluia. Et donc, si tu veux acheter, parce que les gens disent, oh non, est-ce que je pourrais acheter? Je pourrais acheter parce que le temps où on a annoncé, les gens n'avaient pas d'argent. Alléluia. Et donc, c'est le temps de t'enregistrer pour 200 Ghana et avoir le Makarios. Alléluia. Et nous voulons encourager tout le monde de participer à cette conférence. Dont toi tout entier, ça a commencé depuis plusieurs années. Et ça a été une grande bénédiction. Les gens viennent de beaucoup de pays, la Côte d'Ivoire, Sénégal, la Guinée, Sierra Leone, Libéria, Congo, Tchad. Les gens prennent les voitures, le bus de Tchad jusqu'ici. Alléluia, à cause de cette conférence. Et donc, si tu es ici un Ghana pour aller à Kodesh et tu ne veux pas aller, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia, cela veut dire que tu ne reconnais pas l'importance ou bien le don que le Seigneur nous a donné ici à Accra. Alléluia. Les gens quittent le Gabon, Congo, l'Afrique du Sud, le monde entier, hein, les États-Unis, l'Europe, qui viennent pour cette conférence. Et si tu es ici à Accra, cela veut dire que tu ne vois pas ce qui est important. Tu ne reconnais pas. Alléluia. Donc, je vais encourager tout le monde, alléluia, à participer à cette conférence. Alléluia. Et nous voulons essayer de voir notre verset de semaine. Alléluia. Verset de la semaine qui est 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Ouvrez la Bible tout le monde. On va mémoriser ensemble. Alléluia. C'est important. 1 Corinthiens 12 7. 1 Corinthiens 12 7. Prends ta Bible, on va mémoriser ensemble. Sinon, je vais t'appeler à réciter. Alléluia. Si tu es ici avec nous ce matin, ah, si tu n'aimes pas mémoriser, mais ce matin, tu vas essayer. Ah? OK. 1 Corinthiens 12, verset 7. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut lire? OK. 1, 2. Non, non, non, non. On va d'abord prendre le verset et puis lire. OK? OK, la référence avant de lire. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 7, une fois encore. L'utilisation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7, une fois encore. Oh, la manie. 12, 7, une fois encore. Nous sommes en train de mémoriser, oh, donc fais attention. Et donner pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. Oh, la, chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. On peut fermer la Bible? On peut fermer? Ou bien on fait une quoi encore? Qui dit on répète encore? Qui? OK, une fois encore. 1 Corinthiens 12, 7. Est-ce qu'on peut fermer maintenant? OK, fermons la Bible. 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. 1 Corinthiens 12, 7. Une fois encore. OK, est-ce qu'il y a les pères et les futurs pères dans la maison? OK, est-ce qu'on peut réciter? Est-ce que les mères sont là? Est-ce qu'on peut... 1 Corinthiens 12, 7. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Voilà, qu'est-ce que l'Esprit, le verset veut dire? Le verset veut dire que lorsque tu reçois l'Esprit, bien l'onction de Dieu, c'est pour l'utilité de tout le monde. Alléluia. Parce que quelqu'un veut recevoir, tu veux l'onction pour toi-même. Le Seigneur ne va pas te donner. Ça, c'est égoïsme. Tu veux ça pour toi seul. Toi et pour ta famille. Non, c'est pour tout le monde. Toi, pour ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, ta grand-mère, ta tante. Non, non, non, non, non. C'est pour tout le monde. Alléluia. Amen. Yeah. Wow. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Yeah. Donc, c'est un verset qu'on doit, on doit méditer toute la semaine. Alléluia. Et garder ça pour toi. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alléluia. OK. Donc, ce matin, nous allons voir quelque chose. Est-ce que vous avez les enveloppes pour l'orphelinat? Enveloppe pour l'orphelinat. Alléluia. Donc, à la fin, on va prendre ça pour l'orphelinat. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux commencer quelques enseignements. Alléluia. Yeah. Wow. Éphésiens, chapitre 6. Comment devenir un chrétien fort? Yeah. Comment devenir un chrétien fort? Ça, c'est le message. Comment devenir un chrétien fort? Alléluia. Et c'est un bon message. Parfois, on dit, sois fortifié, sois fortifié. Ça veut dire quoi? Hein? Parfois, on est perdu. On dit, sois fortifié. Comment est-ce que je dois me fortifier? Alléluia. Les francophones aiment dire ça vraiment beaucoup. Ou bien, sois fortifié. Ça veut dire quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Alléluia. Yeah. Le jeudi passé, j'ai prêché un message. Est-ce que c'est enregistré? Vous avez ça? Je vais recommander le message à tout le monde. Alright? Ok. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Toute la semaine, il y a des gens qui n'ont pas ouvert la Bible. Donc, ce matin, au moins tout le monde va lire la Bible. Tout le monde, prends ta Bible, on lit ensemble. En français. Ok? C'est bon? Hein? Éphésiens 6, verset 10. 1, 2. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, comme les princes de ce monde de ténèbres, contre... C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais temps, mauvais jour, et tenir ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, que j'ouvre la bouche pour faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Alléluia. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on est fort dans d'autres choses. Yeah. Samedi matin, tu vas voir les gens sont en train de faire l'exercice physique. Les gens sont en train de développer leurs muscles. Hein? Ils sont forts dans les, physiquement, ils sont forts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fort ici, qui est plus fort que tout le monde ici? De Gaulle. Il est plus fort que tout le monde. Alléluia. Plus fort que tout le monde. Les gens sont forts dans quel domaine aussi? Dans quoi? Dans l'école, dans les études. Yeah, les gens bûchent. Les gens mémorisent tout. Les leçons. Toutes les leçons. Yeah. Et viennent réciter. Commence. Le chapitre 1. Commence. Lorsque tu les arrêtes, c'est fini, ils ont oublié tout. Et ouais, ils ont oublié. Ça part, ça disparaît. Et quoi encore? Ils sont forts dans quoi encore? Dans quoi? Dans quoi? Nager. Swimming. Ah, ok, les gens sont forts dans la navigation, c'est ça? Natation. Alléluia. Et quoi encore? Les gens sont forts dans quel domaine? La nourriture. Yeah. Lorsque tu amènes les plats, c'est pas facile. Compétition de... Alléluia. Yeah. Moi, l'une des choses que je n'aime pas, lorsqu'on mélange beaucoup de plats. Lorsqu'on mélange. Yeah, je n'aime pas. Quoi encore? Les gens sont forts dans quel domaine? La danse. Yeah, la danse. Où est Golda? Elle est là. Elle est là. Où est Golden? Oh, elle est où? Elle arrive. Ok. Les gens sont forts dans quoi aussi? Bricolage. Bricolage, c'est quoi? Ils réparent tout dans la maison. Yeah. Tout. Tu amènes tout. Ils peuvent essayer de faire quelque chose. Alléluia. Quoi encore? La boisson. Yeah. La boisson. Yeah. Les gens sont forts dans la fréquentation de boîtes de nuit. Quoi encore? Les gens sont forts dans quoi? Nganja. Fumer. Les gens sont forts. Alléluia. Quoi aussi? Le sexe. Yeah. Un jour ne passe pas. Ils sont forts. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc les gens sont forts dans beaucoup de domaines, mais ne sont pas forts dans le Seigneur. Et lorsque tu lis la Bible ne dit pas d'être fort dans ces choses, mais d'être fort dans le Seigneur. Parce que c'est ce qui est important. Yeah, c'est ce qui est important. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est important. Être fort dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Pourquoi? Il a donné une raison. Beaucoup de raisons. Pourquoi? Revêtez-vous de tous les hommes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Waouh! Les ruses du diable. Hein? Les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Tu fais l'exercice physique, c'est pas encore la lutte. On est dans une lutte. Dans une lutte. Si tu veux ou bien tu ne veux pas, tu es dans une lutte. Il y a une lutte dans ce monde. Si tu es chrétien, il y a une lutte. Alléluia. Si tu es chrétien, il y a une lutte. Même si tu n'es pas chrétien, il y a une lutte qui est là. Et donc, si tu n'es pas fort, tu seras surmonté. Hein? Hein? Est-ce que vous comprenez? Oui. Yeah. Yeah. Le diable est là. Il est méchant. Il veut te détruire. Yeah. La Bible dit qu'il rôde comme un lion. Il cherche la personne qui n'est pas forte. C'est pourquoi il dit, fortifiez-vous. Yeah? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah? Fortifiez-vous. Fortifie-toi. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens reçoivent le salut, deviennent nés de nouveau, ont le salut, et ils restent sans force toute leur vie chrétienne. Yeah? Alléluia. Yeah. Elle dit, fortifiez-vous, parce que le diable est là. Il y a un temps, il y a le jour quoi. Hein? Hein? Contre les ruses du diable, et puis fait quoi? Car les mauvais jours, il y a une partie qui dit mauvais jours. C'est quel verset? Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir dans le mauvais jour. Mauvais jour. Il y a mauvais jour. Il y a mauvais jour. Alléluia. Il y a mauvais jour. Il y a beaucoup de nous au mauvais jour. Il y a certains d'entre nous, on est dans un mauvais jour. Maintenant même, il y a un mauvais jour. Est-ce que tu peux te tenir ferme? Est-ce que tu es fort pour te tenir debout? Alléluia. Hein? Est-ce que tu es fort? C'est la question. Beaucoup sont faibles. Peut-être beaucoup ne savent pas quoi faire pour être fort. Il faut commencer maintenant. C'est pourquoi je commence ces enseignements. Alléluia. Et je ne veux pas que les gens, je ne veux pas que tu ne viennes pas. Je veux que tu viennes chaque dimanche pour les quelques semaines que je vais essayer d'enseigner sur différents aspects de vie. Alléluia. Il y a au moins, je pense, 6 ou bien 7, 8 aspects. Hein? 8 aspects de vos vies que vous devez développer pour être fort. Alléluia. Et donc, si tu ne viens pas, tu vas rater un, parce que chaque dimanche, je vais faire un aspect. Alléluia. Amen. Pour être fort, allez, fortifie-toi. Comment est-ce que je vais me fortifier? Est-ce que tu t'es posé la question? Tu dis à ton voisin, fortifie-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ok. Ce matin, je vais commencer à vous expliquer ce qui veut dire fortifie-toi. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? On peut continuer. Wow. Est-ce que ça va? C'est bon? 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Vous connaissez ce verset? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. À l'obéissance de quoi? De Christ. Waouh! Ne m'inversez toi. Nous marchons. Si nous combattons, il y a un combat. Alléluia. Il y a un combat. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est pas la chair. C'est pas ta grand-mère. C'est pas ta tante qui fait. Alléluia. C'est pas. Alléluia. Yeah. Donc, si on dit, fortifie-toi, qu'est-ce que cela veut dire? La première des choses, c'est d'avoir une vie chrétienne profonde. C'est la première chose. C'est ce que cela veut dire. Fortifie-toi dans le Seigneur. Ça veut dire être un fort chrétien. Et un fort chrétien est profond. Le chrétien n'est pas superficiel. Waouh. Est-ce que vous comprenez? N'est pas superficiel. Hein? Le chrétien n'est pas superficiel. Un chrétien fort n'est pas un chrétien superficiel. N'est pas un chrétien vide. Alléluia. Un chrétien fort est un chrétien qui est profond. Wow. Est-ce que vous êtes là? Vous aimez ce que je suis en train de dire? Vous êtes calme là, je ne sais pas ce qui se passe. Êtes-vous calme? Alléluia. Amen. Yeah. Yeah. Pourquoi tu es né de nouveau? Pourquoi tu es né de nouveau? Est-ce que tu comprends, tu connais la profondeur de pourquoi tu es né de nouveau? C'est ça. Est-ce que tu connais la profondeur de pourquoi tu es né de nouveau? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu es assis ce matin, tu écoutes un pasteur? Pourquoi tu n'es pas resté à la maison? Est-ce que tu connais la profondeur de ça? Yeah. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez maintenant? Yeah. Chrétien profond. Un chrétien profond. Par exemple, lorsque tu veux... une bien-aimée, tu veux te marier. Il y a un gars qui veut se marier et puis il y a une bilavette. Et puis ils étaient ensemble et puis son ami est venu de l'Amérique. Ils sont en train de discuter. Ils sont en train de parler de l'Amérique. OK, j'ai fait ça. Je suis en train de faire mon master et puis en Amérique, là, en train de parler de l'Amérique et puis comment on les appelle, les informations sur les affaires, le business, en train de donner des trucs, parler de l'économie de l'Amérique. Et les deux sont en train de discuter. Et puis Bilavé était assis. Et puis Bilavé ne disait rien. Elle ne connaissait rien. Superficielle. Pas profond. Yeah. Alléluia. Et pas profond. Je suis en train de dire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Tu veux te marier à quelqu'un. Est-ce que la personne est profonde? La personne connaît. Est-ce que la personne comprenne les sujets de cette vie? Hein? Par exemple, à l'église, on parle de beaucoup de choses. L'amour, des trucs. Est-ce que tu connais ce qui est l'amour même? Est-ce que tu as une profondeur dans l'amour dont la Bible parle? Tu connais? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça veut dire quoi? Et ceux qui sont super violents, je t'aime, mon cœur, il m'a dit, t'aimes, il m'a dit. Mais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pourquoi on trompe beaucoup de personnes. Yeah, c'est bon, on a beaucoup de personnes. Il n'y a pas de profondeur. Yeah. Lorsqu'on parle de David a tué Goliath, c'est tout ce que nous connaissons. David a tué Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a tué Goliath? Comment est-ce qu'il a fait ça? Quelqu'un qui est profond sait que David était un berger. Qui était dans, comment on dit, dans les pâturages avec les brebis. Et il y avait Hébert is what? Il y avait le loup qui était venu. David a tué le loup. On dit le loup, bien la loup. L'ours, ok, l'ours. Ok, l'ours. Il a tué le lion. Tu peux imaginer un lion? Un homme tué un lion? De la base de ça, il a dit que le Seigneur m'a aidé. C'est pas lui-même qui a tué. Il a dit, le Seigneur m'a aidé. Par la puissance de Dieu, j'ai tué le lion et l'ours. Dans ce Goliath-là, le Seigneur aussi va me donner ce Goliath. Après avoir tué, les femmes ont chanté. David a tué 10 000. Saül a tué 1 000. David a tué 10 000. David a tué. Et ça a créé un problème pour David. Ça a créé un problème pour presque toute la vie de David. Parce que maintenant, Saül était jaloux. Il a beaucoup de moyens pour tuer David. Et lorsque David a eu l'opportunité de tuer Saül, il n'a pas tué. Il a dit non, ça c'est loin de l'Éternel. Il n'a pas tué. Est-ce que tu connais ça? Non, toi tu connais, oh, David a tué Goliath. Ça c'est superficiel, ça c'est le dessus. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées avant de tuer Goliath. Donc quelqu'un qui est profond, c'est qui connaît. On dit, oh ouais, la personne dit, oh, le Seigneur dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est tout ce que tu connais. Tu ne sais pas que dans Jean 1, à partir de verset 1, il y avait Nicodème qui allait voir Jésus à nuit. Et puis il y avait une conversation entre David Nicodème et Jésus jusqu'à verset 16. Personne qui est profond. Superficiel connaît seulement 16. Lorsqu'on dit fortifie-toi, ça c'est l'une des choses. On a à peu près 8 ou 9 choses que je vais vous montrer. Ah, est-ce que tu es profond? profond, profondeur, profondeur. Alléluia, profondeur. Wow. Psaume 107. Psaume 107. On dit, fortifie-toi. C'est cherche à comprendre la situation dans laquelle tu te trouves. Qu'est-ce que la Bible dit selon, concernant ce que je traverse maintenant? Qu'est-ce que la Bible dit? Là, tu deviens fort. Alléluia. Psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillent sur des grandes eaux, sont ceux-là, bien ceux-là, virent les œuvres de l'Éternel et ses œuvres, ses merveilles au milieu de l'abîme. Wow! Ok, je vais lire un autre verset. Vous cherchez. Il y a une autre version. Pour bien comprendre le verset 24. Tu as une autre version? Qui dit quoi? Je vais lire une autre version. Yeah, c'est ça. Ça, c'est Dabi. Ceux qui descendent sur la mer dans les navires, qui font leur travail sur des grandes eaux, pas à la plage. Ceux qui sont à la plage, tu le vois, tu n'as rien. Ceux qui vont sur la mer, les grandes eaux, ce sont là qui arrivent à voir comment les poissons. C'est ça, non? Il y a verset 24. Ceux-là voient les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les eaux profondes. Yeah. C'est ceux qui vont dedans, qui voient, qui retrouvent. Pas ceux qui sont sur la plage. L'eau vient seulement ici, là. Non, non, non. Yeah. Donc, tu vas voir que les pêcheurs vont loin, loin pour avoir beaucoup. Alléluia. Profondeur, profondeur, profondeur. Alléluia. Hein? Est-ce que tu as une connaissance profonde? Est-ce que tu as une connaissance profonde de ta vie spirituelle, de ta vie, des choses qui sont autour de toi? Tu as une connaissance et tu as une révélation profonde. Alléluia. Est-ce que tu as une compréhension plus que ce qui est superficiel? Wow. Ha. Est-ce que tu es là? Yeah. Ça, on va développer ça la semaine prochaine. Une autre chose, un autre aspect de vie qu'on doit développer, qui signifie, hein, qui signifie être fortifié. Soyez fortifié, ça veut dire quoi? Hein? 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens. Wow. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? J'ai presque fini. On va commencer. Le temps, là. Stéphane m'a dit qu'il y a quelque chose à faire, donc. Je dois finir tôt. Stéphane me demande de finir tôt. Donc. Alléluia. Vous êtes là? Ok. Ok, ok. Ok. Wow. Ok. Mais bien, à cause de ce que Stéphane a dit, je vais juste développer cette partie-là. Le barbare. C'est notre barbare, donc. Il doit mettre les choses en ordre. Il inclut ce que le pasteur fait ici. Ok? Alléluia. Yeah. Luc chapitre 8 verset 13. Ça peut nous aider un peu. Luc chapitre 8 verset 13. Ok? Luc chapitre 8 verset 13. Wow. Ça, c'est quelle parabole? C'est le parabole, non? La parabole, bien le parabole. La parabole, ok? Verset 13, la parabole commence à verset 5, ok? Bien semeur sorti pour semer sa semence. Comme il semait, il a semé ici, ça n'a pas réussi, il a semé ici, ça n'a pas réussi. Donc verset 13 dit quoi? Ceux qui sont sur le roc, hein, ceux qui ont semé sur le roc, sont ceux-là qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps. Et il succombe au moment de la tentation. Vous vous rappelez de Éphésiens 6, le jour, le mauvais jour. Yeah. Oh, ce matin, je prêche, oh, ça c'est un bon message, je suis béni, oh, le pasteur a bien prêché. Pour un temps, arrivé à la maison, il y a une tentation, on a oublié. Ça c'est les personnes qui sont superficielles, ne sont pas profondes. Il n'y a pas de racine. Alléluia. Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. Amen. Yeah. Ils n'ont pas une expérience. Ils ne réécoutent même pas le message. C'est pourquoi j'ai demandé jeudi passé, il faut réécouter le message que j'ai prêché. Tu vas dire que non, tu vas réaliser que j'ai dit beaucoup de choses que tu ne te rappelles même plus. Même ce matin, ce que je dis, tu reçois seulement 11% si tu n'es pas distrait. Si tu me suis attentivement, c'est 11% de ce que je dis que tu vas retenir. Cela veut dire que lorsque tu es distrait, tu es en train de penser à la marmite, ce que tu as préparé hier soir, que tu veux manger cet après-midi, oh, tu vas aller chauffer. Ok. Oh, alléluia, alléluia, partir prêche. Ok, on m'a dit que le West End arrivera c'est demain. Je dois faire attention pour ne pas rater l'appel. Donc, avec toutes ces distractions, tu n'as même pas 11% de ce que j'ai dit ce matin. Tu dois réécouter. Et tu seras surpris ce qui a été dit ce matin. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, la profondeur vient lorsque tu as de racines. Rien ne te bouge. Rien ne te secoue. Hein? Tu n'es pas secoué par des situations, des tentations. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Tu es fort lorsque tu es profond. Wow. Wow. Tu as des racines. Tu comprends. Yeah. Tu viens à l'église, on prêche, on parle à l'ombre, qu'est-ce que cela veut dire? Si tu n'as pas de profondeur dans ça, tu n'as pas de racines dans ça, tu sors, quelqu'un dit, ah mais, pourquoi vous parlez en langue? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme des fous. Tu as, mais toi aussi tu parles en langue. Tu vois que, ah. Tu veux prier? Ah, mais le gars là dit, ah, la langue là, c'est pas bon. La langue là, c'est pas bon. Donc c'est fini. Tu arrêtes de prier en langue. Parce que tu ne comprends pas. Tu n'as pas de profondeur concernant parler en langue. Ah. Tu comprends? Vous comprenez ce que je dis? Tu n'as pas de profondeur. Tu n'as pas de profondeur. Alléluia. Yeah. L'évêque a donné un exemple de quelqu'un qui a rencontré, quelqu'un de témoin de Jéhovah. Elle a parlé, ok, est-ce que tu crois au Saint-Esprit? L'évêque a dit, oui, je crois au Saint-Esprit. Ah, donc, parler en langue là, qu'est-ce que cela veut dire? Et puis l'évêque a commencé à parler en langue. Brosté les bébés. Qu'est-ce que cela veut dire? Je peux pas t'expliquer, mais je te parle en langue. Le gars a pu. Hein? Parce qu'avec cette conversation, le gars va commencer à dire, oh, mais si tu n'as pas de profondeur, le gars va te dire des choses que tu vont te décourager même. Parce que tu n'es pas profond. Hein? C'est pas que la langue, parler en langue, c'est balbutante. C'est comme quelqu'un qui bégue. Qui bégaye. Ça veut. Yeah. Babala. Il faut aller voir dans Esaïe. C'est ce que Esaïe dit. Brossez-les. Babala. C'est la langue et ça sent. Ceux qui ne sont pas spirituels. Ça, c'est quoi? Et c'est ce que Dieu utilise pour confondre les sages de ce monde. Alléluia. Yeah. Ce n'est pas profond. Pourquoi tu dois prier? Pourquoi tu dois prier? Tu ne sais même pas pourquoi tu dois prier. C'est pourquoi tu ne viens pas à la prière, les prières qu'on en prie là. On est en train de prier pour 100 heures. Même les leaders de cellule ne viennent pas prier. Les leaders de cellule, oh, ce qu'on appelle leaders de cellule à Lighthouse ici, ne viennent pas, ne prient même pas. Ne prient pas. Hey! Tu ne sais pas que les cieux sont en train de contrôler tout ce que nous faisons ici. Tu seras ballotté. Un enfant. On va voir ça. Ballotté. Un enfant. Hein? Hein? Ne viens pas prier. Ne viens pas à l'église. Dimanche, l'idée de cellule ne vient pas à l'église. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es un enfant. Tu n'es pas fort. Tu es faible. Tu es faible. Dimanche, tu n'es pas à l'église. Hein? Tu es faible. Parce qu'aujourd'hui, on dit, OK, c'est Lighthouse. OK, demain, on m'a invité à Goobly God International Spirituel Église, quelque part, Goobly God. L'idée de cellule, toi qui dois, tu dois marcher comme ça, et les autres vont te suivre. Tu es quelque part, et les autres sont ici. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont aller où? C'est fini? Waouh! Tu ne sais pas pourquoi venir à l'église. Tu ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi tu ne viens pas à l'église. Tu ne sais pas pourquoi tu dois venir. Tu n'es pas profond dans ça. Waouh! Est-ce que vous êtes là? Yeah! Yeah! Yeah! Waouh! Tu n'es pas profond. C'est pourquoi ton ami n'est pas venu à l'église. Toi, tu ne veux pas venir à l'église. Ton ami n'est pas venu, donc toi aussi tu n'es pas venu. Tu ne comprends, tu n'es pas profond. Ton ami a voyagé, donc tu ne viens plus à l'église. Wow. Tu n'es pas profond. Parce que tu ne comprends pas pourquoi tu dois venir. Si ton ami n'est pas venu. Yeah? Tu ne sais pas. Est-ce que je dois continuer? Dans l'une des choses, tu es profond dans la parole. Tu comprends les doctrines, les principes. Tu comprends pourquoi tu es chrétien. Pourquoi tu es chrétien? C'est pas quelqu'un qui t'a dit, viens à l'église parce que tu es chrétien. Être chrétien là, c'est quoi? Tu comprends? Tu comprends? Tu es né de nouveau. Tu as reçu le salut. Parfois, on vient devant, on ne comprend, on veut juste suivre le Seigneur, on veut servir le Seigneur. Mais après avoir ce Dieu a touché ton cœur pour donner ta vie à Dieu. Cherche à comprendre. C'est pourquoi il y a les écoles. Chaque on finit, on dit, les écoles de manière de nouveau croyant, les écoles de ces grands principes, tu ne veux pas aller. Et chaque fois on voit ça, il y a une grande différence pour ceux qui ont fait les écoles de manière de vos croyants, les sept grands principes, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent aller à l'école des bergers. Il y a une grande différence entre eux, ceux-là, et ceux qui ne veulent pas. On voit ça, c'est très clair. Tu es là depuis 4 ans, mais tu es comme quelqu'un qui est venu aujourd'hui. On voit ça chaque fois. Et ça se voit toujours. Ça se voit toujours. Tu ne veux pas être profond, aller en profondeur. Quelqu'un t'a offensé, tu ne veux pas venir à l'église. Qu'est-ce que l'offense a à faire avec ton salut? Qu'est-ce que l'offense a à faire avec Jésus? Tu n'es pas profond. Moi, je vois ça, j'aborde. Les enfants. Mon petit garçon, il est fâché, donc il veut pas manger. C'est comme, il veut pas. Tu as faim, tu ne veux pas manger. Comment est-ce que l'offense fait que tu ne veux pas manger? Il y a des âgés qui font ça. À la maison, mari et femme. Le mari a faim. On a main parce qu'il est offensé contre la femme. Donc tu ne veux pas manger. Tu vas mourir. Tu agis comme un enfant. Tu as faim? Moi, je vais manger. Amène la nourriture, on va manger. On a faim ici. Qu'est-ce que le pain avait à faire avec l'estomac? L'estomac. Vous ne, c'est parce qu'il n'y a pas une profondeur. Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. Tu viens, tu vas à la maison, tu fais autre chose. Tu vas à la maison, tu es en train de forniquer. Tu vas à la maison. Wow. Est-ce que je peux continuer un peu? Lorsque tu es profond, rien. On va lire ce verset, je pense, on doit le lire. 1 Corinthiens 10, verset 58. Hein? Je vais développer ça après, mais on va lire ça pour bien, pour vous aider un peu. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, hein, 1 Corinthiens 15, 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Hein, je vais parler de ferme là, un jour. Inébranlable. Abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. C'est parce que tu ne sais pas que ce que tu fais là, tu as une récompense. C'est pas en vain. Si tu es ici ce matin, c'est pas en vain. Pas en vain. Tu es là ce matin, c'est pas en vain. C'est pas en vain. C'est pas en vain. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, que rien ne t'empêche de servir le Seigneur. Yeah. Alléluia. Vous êtes là? Yeah. Donc, si on dit, être profond, tu es profond dans les principes. Tu comprends pourquoi tu fais ce que tu fais comme chrétien. Tu comprends pourquoi tu dois prier. Alléluia. Tu comprends pourquoi tu dois lire ta Bible. Tu comprends pourquoi tu pries en langue. Tu comprends pourquoi tu dois servir dans le Seigneur. Tu dois faire quelque chose. Les gens ne comprennent pas dans ce qui est assis. Tu ne veux rien faire. On dit chanter, tu ne veux pas chanter. Tu ne veux pas chanter. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il n'y a pas de profondeur. Alléluia. Amen. On dit n'écoute pas les musiques du monde. Tu ne comprends pas. Tu écoutes toujours. On dit n'allez pas boire de nuit. Tu es pas toujours dans boire de nuit. On dit ne bois pas. Tu vas toujours boire. On dit ne fornique pas. Tu vas toujours fourniquer. Superficialité. Il y a un mot comme ça. Superficialité. Superficialité. Lorsqu'on dit fortifiez-vous, être fort, oh, mon frère, sois fort, ma soeur, sois fort, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est une chose. Et tu es fort. Tu comprends. Il y a des gens ici après l'église, donc vous allez suivre le mari des gens, des seuls maris, le mari des femmes, les petits amis, on cache quelque part, en train de faire des trucs. Superficialité. Tu ne comprends pas que c'est meilleur de servir le Seigneur. Yeah. Yeah. Que ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain ce que tu fais ce matin. Si tu es là, ce n'est pas en vain. Yeah. Alléluia. Yeah. Et être fort, à part être profond dans la parole de Dieu et dans les principes, les doctrines de la parole de Dieu, être fort, l'une des choses, c'est être rempli. Rempli. Quand on dit fortifie-toi, sois rempli. Sois rempli de quoi? J'ai parlé de la parole de Dieu. Alléluia. Hein? De l'esprit. Du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Hein? Esprit. Sois contrôlé par l'esprit. Amen. Contrôlé par l'esprit. Wow. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5. C'est pas ton temps là, je prends un peu. Éphésiens 5, verset 18. Hein? Ne vous enivrez pas, ne vous enivrez pas du vin. Hein? Les gens qui disent qu'ils boivent là, c'est ça le verset. Ne vous enivrez pas du vin, de vin. C'est de la débauche. Si tu bois du vin, c'est la débauche. Débauche, c'est quoi? Débauche, c'est quoi? C'est quoi? Mauvaise vie. Débauche. Débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Yeah. Remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te contrôle? Waouh. L'une des choses remplies du Saint-Esprit, sois rempli de joie. La joie. Yeah. Quelqu'un qui est fort et en joie. Tu as la joie du Seigneur. Le Western n'est pas là, mais tu es en joie. Yeah. Tu vois, cette vie, il y aura toujours un problème ou un autre. Yeah. Le problème fini, il y a un autre qui t'attend. Tu as fini, tu as... Tu crois que ça a fini, donc c'est fini. Non, c'est pas fini. Donc si ta joie dépend de la disparition des problèmes, non, tu n'auras jamais de joie. Tu seras toujours triste. Yeah? Yeah? Est-ce que vous comprenez? Yeah? Yeah? Alléluia. La fois passée, je disais à quelqu'un que, ah, si tu sais, tu t'es dit que ton bien-aimé, ou bien ton mari, ou bien ta femme, ne fera plus ça. C'est un grand mensonge. Yeah. Oh Seigneur, change-le. Seigneur, change-le. Donc, il ne fera plus ça. C'est un mensonge. Il va faire encore. Oh, mon ami, eh non, il va plus vous foncer. Pourquoi il m'a fait ça encore? Il a fait ça une fois. Il a fait ça deux fois. Il a fait ça trois fois. Il va faire ça quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Donc, si ton amitié est basée sur il ne fera plus. Dans ce cas, ça, c'est quelle amitié? L'amitié va prendre fin. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est profond? Vous comprenez? Ton amitié ne doit pas être condition. Conditionnel. Yeah, condition. Pas condition. Yeah. Donc, ta joie ne doit pas être par condition. Donc, c'est j'ai le Western, donc il y a la joie. Yeah. Tu n'auras pas toujours le Western. Il y a des jours, c'est la vie, la vie. Ne sois pas trompé. Yeah, ne sois pas trompé. Ça, c'est la vie. Dans la joie du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Waouh. Je dois arrêter. Je dois continuer la semaine prochaine. Hein? On va voir les choses. Les choses, si on dit soit profond. Quelles sont les choses qui nous rendent profond? Hein? Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous soyons aussi remplis. Être en profondeur. Être profond. Connaître les principes de la parole de Dieu. Être rempli de certaines choses. La parole. Quoi encore? Le Saint-Esprit. La joie. Et il y a d'autres choses. Et il y a des choses qui ne doivent pas aussi te remplir. On va voir ces choses. Yeah. Alléluia. Parce qu'il faut voir que il n'y a pas d'espace vide. Il y a pas, dans l'esprit, il n'y a pas d'espace vide. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y a pas d'espace vide. Il y a pas de... Puis, si tu ne remplis pas l'espace spirituel de ta vie, quelque chose d'autre va remplir ça. Le diable va mener quelque chose. Yeah. Donc, il faut savoir si je me laisse comme ça et je ne me remplis pas par quelque chose. Le diable va venir me remplir avec d'autres choses. Vous comprenez? Vous comprenez? Yeah. Donc, lorsque tu te laisses comme ça, hein, le diable va venir remplir et tu deviens un chrétien faible. Faible. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Wow. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Hein? Lorsque je vais vous donner cet exemple, il y avait un gars à Téman. C'est arrivé ici à Téman. Il y avait les voleurs avec les lames. Armed robbers en français, c'est quoi? Les braqueurs sont allés dans une maison avec des Écrit votre CV. Écrit votre CV de quoi? AK-47, c'est ça? AK-47. Yeah. Ils sont allés là-bas, K5. Ils sont allés dans la maison, ils sont allés commencer à comment on dit? Attirer. Ouvrez la porte. Et le gars aussi a pris son. Il a commencé aussi à attirer. Il a dit, il semble que le gars qui est là, c'est pas... Elle dit, c'est pas facile. C'est pas facile. Et ils ont réalisé que, s'il ne fut pas, le gars là. Et tout le gars ne les a pas laissés partir. Il les a tués tous. Là, sans le savoir que ça là, c'est un gars qui vient de l'armée de l'Amérique. US Marine. Il les a tués ici tous à Téma. 4 ou bien 5 personnes, il les a tués tous. Il est plus fort. Lorsqu'on dit fortifiez-vous, tu dois être fort plus que le diable. Fort que le diable. Il va passer, viens dans ta maison. Le gars là qui est là, je ne peux pas aller là-bas. Parce que tu n'es pas fort, il va venir. Il va tirer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Attirer. Donc tu dois être fort. Fortifie-toi. Il y avait un gars là qui donnait le témoignage. Il est venu et puis il disait que il commençait à dire, j'ai failli tuer un sorcier. La nuit dernière, j'ai failli tuer un sorcier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est, dans la nuit, il s'est levé et puis le voisin, ils ont amené Jujuman. Comment on appelle Jujuman? Un charlatan. Il a failli tuer un charlatan. Et puis, ils sont en train de, le gars est en train de faire des incantations dans la, puis il fait des bruits. Il a dit, Donc lui aussi, il est sorti. Il a commencé à prier en langue. Bro, c'est le bébé, c'est le bébé. Si le gars ne veut pas, il veut me déranger. Moi, je le dérange. Et puis, il a prié. Le matin, le charlatan, les mots de vent. Il dit, j'ai failli tuer un charlatan. Wow! Les gens sont en train de faire des trucs, gros. Les voisins, les gens. Vous ne savez pas. Il faut dormir. Est-ce que tu veux être fort? Est-ce que tu veux te fortifier? Tu veux toujours continuer à être un chrétien faible? Yeah! Fortifie-toi! Et le diable, les démons auront peur de toi. Les sorciers de ton village, ils vont tuer les autres, mais toi, tu ne peux pas te toucher. Au nom de Jésus. Nous sommes plus forts. La Bible dit que celui qui vit en nous est plus grand. C'est parce que tu n'actives pas celui qui vit en toi. Tu le laisses comme ça. Celui qui vit en toi est plus grand. Le diable a peur de nous. Mais si nous ne le prenons pas et nous ne nous fortifions pas, il va venir. Alléluia. C'est parce que tu ne sais pas que tu es plus fort que lui. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Levez-vous. On va continuer la semaine prochaine. Et je vais vous encourager, ne restez pas. Venez chaque dimanche. Vous allez apprendre beaucoup de choses pratiques. Pas des choses que vous ne pouvez pas appliquer. Des choses que vous pouvez appliquer dans vos vies. Au nom de Jésus. Levez vos mains et remerciez le Seigneur. Dites merci. Oh Lord, we bless you. Seigneur, nous te remercions ce matin. Merci pour ta parole. Oh, nous voulons nous fortifier. Au nom de Jésus. Nous voulons nous fortifier. Nous voulons être profonds. Nous voulons comprendre, connaître. Qu'est-ce que la Bible dit concernant ça? Le gars vient me dire, je t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Seigneur? Pour comprendre, pour connaître. Oh, Seigneur, merci. Merci, la foi. La foi, c'est quoi? C'est quoi la foi? Je veux connaître. Oh, je suis né de nouveau. Ça veut dire quoi? Je veux connaître. Je veux apprendre. Je veux aller à l'école des nouveaux croyants. Je veux faire les 7 grands principes. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh, aide-moi. Prie ce matin, aide-moi à être profond. Aide-moi à chercher à me fortifier. à me fortifier, à me fortifier, à comprendre, à être profond au nom de Jésus, à être plus fort lorsque l'ennemi vient. Il ne peut pas s'approcher de moi. Il ne peut jamais s'approcher de moi. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Et avant de partir, nous voulons, je veux prier avec toi, prier pour toi. Tu ne continues pas le salut, tu n'es pas né de nouveau. Tu veux servir le Seigneur, mais tu n'as pas pris cette décision de le faire. Mais ce matin, je veux te donner l'opportunité. Donc, tout le monde, ferme les yeux. Fermons nos yeux, tous. Fermons nos yeux, tous. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Si tu es là, tu veux prier cette prière. Tu veux donner ta vie à Dieu ce matin. Tu veux servir le Seigneur. Lève la main. Lève la main. On va prier avant de partir. On va prier avant. Il faut savoir que lorsqu'on quitte ce monde, un jour on va quitter tous. Hier, il y a quelqu'un qui est décédé. Ma nièce est décédée. Hier, ma nièce est décédée. La semaine passée, il y a des gens qui ont décédé. Les gens sont en train de partir de ce monde. Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Un jour on va partir tous. Et lorsque tu pars, tu vas aller où? Au ciel ou bien l'enfer? On a le ciel et l'enfer. Mais ce matin, tu veux choisir le ciel. Lorsque tu pars, lorsque Jésus arrive aujourd'hui, tu peux aller au ciel avec lui. Et si tu veux faire cette prière, lève la main. Lève la main, on va prier avant de partir. Lève la main. Lève la main. Ne pars pas sans donner ta vie à Dieu. Tout le monde ferme les yeux, c'est important. C'est important. Ne pars pas. Ne fais pas attention avec ton voisin. Le salut est individuel. C'est individuel. Lève la main et donne ta vie à Dieu ce matin. Ne pars à la maison sans donner ta vie. Ne quitte pas cet endroit sans donner ta vie à Dieu. Lève la main, donne ta vie à Dieu ce matin. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Seigneur, merci. Merci. Merci. Lève la main. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tu veux donner ta vie à Dieu. C'est très, très important. Avant même de commencer à être fortifié, tu dois, la première des choses, c'est de donner ta vie à Dieu. Et si tu ne l'as pas fait, tu peux le faire ce matin. Et s'il y a quelqu'un qui a levé la main, tu as levé la main. Lève la main, donne ta vie à Dieu ce matin avant de partir. Lève la main. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? Tu peux venir devant. Je ne vois pas les mains. Donc, si tu peux venir devant, tu n'as pas levé, mais tu veux venir, viens. Tu n'as pas levé la main, mais tu veux venir, viens. Viens, avant de partir. Seigneur, merci ce matin pour le salut. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chacun ici que nous ne soyons pas des chrétiens faibles, que le diable bascule, le diable nous renvoie ou bien nous contrôle n'importe comment. Que ne soyons pas, que chacun ne soit pas faible, que le diable va contrôler n'importe comment. Que nous soyons des chrétiens forts au nom de Jésus. Seigneur, merci qu'il n'y a personne à Bélingue qui est un chrétien faible. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?